France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Comme promis, Benoît Colombat est donc avec nous dans ce studio pour cette émission consacrée à la mort de Robert Boulin. Bonjour Benoît. Bonjour. Je rappelle que vous avez publié en 2007 chez Fayard Un homme à abattre, contre-enquête sur la mort de Robert Boulin. C'était une somme avec beaucoup de témoignages, d'informations recoupées. Et puis alors là, vous sortez une BD jeudi, hein, c'est ça? Donc, oui, jeudi prochain, aux éditions Futuropolis. Bien, Futuropolis qui s'appelle, avec un peu d'ironie, Cher pays de notre enfance. Et c'est le sous-titre qui est important aussi. Enquête sur les années plomb de la Ve République, dessin Étienne Davodeau, texte Benoît Colombat. Vous le disiez déjà, cette affaire Boulin s'inscrit dans ce que vous appelez, vous, les années de plomb à la française, avec la comparaison de l'Italie. Oui. Mais les années de plomb, là, c'est à la française. Alors ça va, notamment, vous traitez ces affaires-là, plusieurs affaires dans cette BD. Ça va du braquage de banque, le gang des Lyonnais, la mort du juge Renaud, les exactions impunies du sac, je pense à la tuerie d'Auriol, on aurait presque pu mettre aussi le juge Michel, on ne met pas tout. Oui. Enfin, voilà. C'est un kaléidoscope, en quelque sorte une compilation de plusieurs affaires qui ont pour trait commun de s'inscrire dans ce qu'on appelle les années de plomb à la française. Oui, c'est une période où la violence politique était très intense et c'est une histoire qui a un petit peu été mise sous le tapis de l'histoire française, contrairement à d'autres pays européens qui, eux aussi, ont connu leurs années de plomb avec un contexte différent, bien sûr, politique, économique et social. Et on ne comprend pas l'affaire Boulin, justement, comme d'autres affaires, mais particulièrement l'affaire Boulin, si on ne se remet pas dans le contexte de ces années particulièrement violentes, où on constate notamment le rôle très actif du SAC, le service d'action civique, on y reviendra sans doute, mais ce service d'ordre du parti gaulliste qui est engagé dans une véritable dérive sanglante à la fin des années 60 et dans les années 70. Voilà, alors donc vous ne lâchez pas l'affaire, je le disais en l'occurrence l'affaire Boulin, puisque vous avez recueilli de nouvelles belles pièces du puzzle que vous avez révélées et qui ont débouché, on l'a appris le 11 septembre dernier, sur l'ouverture d'une information judiciaire, donc qui relance l'enquête. Bah, rappelez-nous d'abord quelles sont ces nouvelles pièces, c'est le plus important. Alors d'abord il faut dire que c'est surtout dû, c'est vrai que moi j'ai travaillé depuis 10 ans sur cette affaire, mais à l'opiniâtreté de la fille de Robert Boulin. Que nous allons avoir au téléphone dans quelques instants. Elle n'a jamais lâché l'affaire véritablement et qui récemment a déposé une ultime plainte, cette fois auprès du tribunal de Versailles pour arrestation, enlèvement et séquestration, suivi de mort ou assassinat. Et cette plainte se fonde notamment sur un témoignage important, donc une personne que j'ai rencontrée qui ne souhaite pas apparaître publiquement, mais qui accepte de dire ce qu'elle sait devant un juge d'instruction. Que dit cette personne ? Eh bien, elle raconte que le 29 octobre 1979, à Montfort-l'Amaury, qui est le dernier lieu où Robert Boulin a été vu vivant, elle a vu le ministre dans sa voiture, vers 17h30, donc, dans une ruelle assez étroite, et c'est pour ça que c'est un détail important, mais il fallait rouler très doucement pour pouvoir se croiser entre deux véhicules, c'est pour ça que cette personne se souvient parfaitement avoir vu le ministre, elle a eu le temps de le voir. Bon, c'était quand même une figure connue à l'époque, populaire, qu'on voyait à la télévision, dans les journaux. Mais le point important, c'est que Robert Boulin n'était pas seul. Il y avait deux autres personnes qui étaient dans sa voiture, une personne qui conduisait le véhicule du ministre et un troisième personnage qui se trouvait à l'arrière du véhicule. Donc évidemment, c'est un témoignage, quand on le remet en perspective avec tous les autres éléments dans ce dossier, qui est très très important, sachant que on sait que peu de temps après ce moment-là, c'est-à-dire vers 20h, Robert Boulin est mort d'un point de vue clinique. Et donc deux personnes. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? À partir de ce moment-là, bien sûr, on peut soupçonner que le ministre, qu'est-ce qu'il allait faire avec ces deux autres personnes. Moi, je n'ai pas la réponse à toutes les questions, mais en tout cas, c'est un élément qui suscite un de plus. J'ai envie de dire qui suscite évidemment le trouble, puisque peu de temps avant la mort du ministre, il se trouvait avec d'autres personnes. Donc là, on peut envisager effectivement une rencontre, un rendez-vous, sachant que peu de temps avant sa mort, il avait retiré des dossiers du coffre-fort de son ministère avant de se rendre chez lui et de partir dans les Yvelines. Pourquoi faire? On ne sait pas justement précisément. Que s'est-il passé après? Tous ces dossiers ont disparu et ces autres dossiers qu'il avait dans ses archives ont tous été détruits par des hommes du SAC. Alors, il faut rappeler aux jeunes générations peut-être que si Robert Boulin, le nom est connu, ce n'est pas simplement par ce drame, c'est qu'il tenait une place importante. Hein. C'était pas un petit ministre, Robert Boulin. C'était un homme politique, comme vous le disiez, connu. Imaginons qu'aujourd'hui, il arrive ça à quelqu'un, un homme politique qu'on voit, qui est un ministre important du gouvernement. Il faut se replacer dans ce contexte-là. Oui, c'était un homme politique qui occupait une place à part dans l'échiquier politique. C'était un homme tout-terrain qui était passé par de nombreux ministères. On l'a dit, il avait le record du nombre d'années passées dans les ministères, à des ministères clés, à des moments très importants. Et il était passé notamment par le ministère de l'économie. D'ailleurs, Raymond Barre et Valéry Giscard d'Estaing pensaient un super ministère de l'économie après un remaniement. Avant finalement, donc là, Robert Boulin serait devenu le numéro 2 du gouvernement, avant de penser de lui proposer le ministère du Travail. Il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque, contexte social très dur, le chômage qui commence à exploser, les problèmes avec les sidérurgies. Voilà, donc l'homme tout-terrain, Robert Boulin, qui en plus avait des bonnes relations avec au sein de la majorité, parce qu'il faut se remettre aussi dans le contexte, c'était la guerre à droite. C'était la guerre entre Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, et son ancien Premier ministre, Jacques Chirac, président du RPR. Lui-même à la tête d'une machine de guerre, le RPR, dans la perspective de la présidentielle de 80. Et donc là, il faut déstabiliser, évidemment, pour les Chiraciens, le camp Giscard. Et bon, bah, Boulin est giscardo-compatible, c'est un gaulliste social, ancien résistant, qui a une légitimité politique et une compétence que tout le monde lui reconnaît. Bonne cible. Et c'est dans ce contexte-là, en plus, qu'on parle de lui comme futur Premier ministre. Et là, c'est là que ses ennuis vont commencer. Alors, parmi toutes les zones d'ombre qui vous ont vraiment mis la puce à l'oreille, Benoît, quelle est, on va dire, la plus importante? Mais qu'est-ce qui vous a fait réagir, qui a fait que vous êtes lancé dans cette enquête, que vous avez écrit un livre et que vous continuez? Bah, il y a deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé dans cette enquête? Bon, elle est véritablement passionnante. J'ai coutume de dire que c'est un petit peu la boîte noire de la Ve République. Pourquoi? Parce que derrière cette affaire, je l'ai évoqué au début, mais ça évoque justement certaines mœurs politiques à l'époque, des mœurs assez noires. On bascule aussi dans une autre époque, hein, c'est-à-dire que Robert Boulin, c'était un homme politique avec une certaine intégrité, un certain sens de l'État, de l'intérêt général. On bascule aussi dans la mondialisation économique à ce moment-là. Donc il y a aussi un changement de période. On est entre les deux chocs pétroliers. Et bon, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je pense que la thèse du suicide ne tient plus? Il y a de multiples éléments. Mais d'abord, il y a des éléments matériels et médico-légaux. C'est d'abord les éléments les plus puissants. Notamment, on l'a entendu tout à l'heure dans votre récit, la position des lividités cadavériques, c'est-à-dire c'est des marbrures qui apparaissent dans les parties basses du corps après la mort. Je trouve que la position du corps est en contradiction totale avec justement ces marbrures, c'est-à-dire qu'elles sont dans le dos alors que le corps a été retrouvé face contre le sol. Donc ça veut dire que le corps a été déplacé très concrètement. Et puis il y a une coupure au poignet droit, il y a des fractures sur le crâne qui sont apparues à la deuxième autopsie, donc en 83, parce que la première n'a pas été complète, elle a été littéralement sabotée sur instruction du procureur. Tous ces éléments s'amoncellent. Et puis, en plus de ça, il y a des incohérences chronologiques. Officiellement, le corps a été retrouvé à 8h40 du matin, donc le 30 octobre. En réalité, l'avis de recherche pour tenter de retrouver une autre personnalité lancée à 6h25. Et en fait, j'ai pu documenter le fait qu'entre 1h et 3h du matin, de nombreuses personnes au sein de l'appareil d'État sont informées de la découverte du corps. Je dis bien de la découverte, pas de la disparition. Et en fait, pour finir, plusieurs personnes sont informées de la mort, de Robert Boulin, la veille, le 29 octobre, donc aux alentours de 20h. Un petit groupe de personnes est au courant de la mort de Robert Boulin. Et parmi ces personnes, il y a des individus au comportement extrêmement suspects qui vont se rendre au domicile de Robert Boulin, qui vont avoir accès à son bureau, à sa machine à écrire. Voilà. Donc, si vous voulez, ce sont tous ces éléments, plus des éléments aussi d'ordre politique. Il y a quand même un certain nombre de figures. Je pense à Olivier Guichard, ancien garde des Sceaux, compagnon de route du général de Gaulle. Je pense également à Jean Charbonnel, ancien ministre du général également, qui ont dit publiquement que pour eux, Robert Boulin n'avait pas été, ne s'était pas suicidé. Et notamment, Jean Charbonnel cite le témoignage d'Alexandre Sanguinetti, cofondateur du SAC, qui lui a fait cette confidence peu de temps après la mort de Robert Boulin. Moi, ce qui me trouble aussi, et j'imagine que ça trouble pas mal de personnes, c'est cette affaire de lettres manuscrites de Robert Boulin. Qu'en pensez-vous ? Bah en fait, justement, on s'aperçoit que finalement, il n'en reste plus que les lettres. Parce que, comme la thèse du suicide ne tient pas, d'un point de vue matériel, eh bien, le suicide, finalement, ne repose que sur les lettres. Sauf qu'effectivement, quand on regarde de près ces lettres, elles sont émaillées d'incohérences. D'abord, ce sont des photocopies. Certes, effectivement, il y a quelques mentions sur certaines de ces lettres. Des incohérences à tous les niveaux. Il y a des fautes d'orthographe. Certaines personnes ont reçu ces lettres à des adresses qu'ils n'utilisaient jamais. Bon, c'est des faux, notamment. Quoi. Vous êtes en train de dire, pour vous, c'est des faux. En tout cas, on peut légitimement se poser la question. D'autant que le jour de sa disparition, Robert Boulin prépare une longue lettre de défense dans l'affaire de Ramatuelle. Parce que quand vous regardez, c'est ça qui est le plus troublant, en fait. Quand vous regardez cette fameuse lettre dite de suicide, c'est pas une lettre de suicide. Non, c'est une lettre de défense. C'est un mémo de défense de l'avocat Robert Boulin qui dit « Je n'ai rien à me reprocher dans cette affaire ». Alors effectivement, il y a une ligne décalée au début et deux lignes à la fin en disant « qui arrive comme un cheveu sur la soupe, j'ai décidé de mettre fin à mes jours, embrasser ma femme et mes proches ». Voilà. Ces lettres ne règlent rien finalement. Elles posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Bien sûr. On va donner la parole maintenant à Fabienne Boulin-Burjat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fille de Robert Boulin, je le rappelle. Alors déjà, votre réaction sur l'ouverture par la justice en septembre d'une nouvelle information judiciaire, j'imagine que ça relance l'espoir d'arriver enfin à la vérité qui est votre combat et qui est celui d'un point de vue professionnel de Benoît Colomba. Ben écoutez, bien entendu, c'est une marche très importante vers la vérité. Il faut savoir que tout au long de ces 36 ans, il y a eu des interventions intempestives de la part des hommes politiques, que le parquet a toujours montré son hostilité. Et je voulais donner un scoop à France Inter, puisque vous le valez bien. La juge de Versailles attend depuis 3 semaines la transmission de l'entier dossier. Et le parquet général de Paris n'a toujours pas accusé réception de sa demande. Donc, je sais que les choses vont être difficiles, comme elles l'ont toujours été, mais nous sommes là et je crois que nous avons la chance d'avoir un juge d'instruction qui est jeune et qui n'a pas tout ce poids du passé et qui va regarder les choses, j'espère, avec sérénité et rationalité. Ça veut dire pour vous, pensez que le temps peut faire son œuvre ? Oui, mais parce qu'il y a une autre mentalité, je pense, c'est les juges d'instruction. Mais de toute façon, le parquet général, vous voyez, continue à montrer quand même sa frilosité. Et donc, oui. On va avancer. Il y a encore des témoins. Il y a bien entendu tout ce, comme dit Benoît Colomba, il y a énormément d'éléments qui ne fonctionnent pas dans cette thèse du suicide. Et nous allons travailler pour que la juge d'instruction puisse marquer ça d'une façon que la justice puisse quand même passer dans ce dossier. Alors, vous avez dû souvent y penser, ces idées ont dû trotter dans votre tête plus d'une fois, j'imagine. Vous êtes posé la question, si on l'a assassiné, pourquoi ? Ben, de toute façon, nous savions que mon père était menacé. Nous l'avons vécu avec lui. Nous savions qu'il y avait des pressions terribles pour qu'il ne devienne pas Premier ministre, qu'il ne gêne pas le clan chiracien aux élections de 81. Tout ça, on l'a vécu. Bon, mais jusque-là, jusqu'à l'assassiner, nous n'avons pas imaginé que c'était possible. On n'a pas imaginé non plus que l'appareil judiciaire n'allait pas faire toute la vérité immédiatement sur cette mort. Donc, on a beaucoup appris sur la France et ses méthodes et ses dysfonctionnements. Mais il y a plein de raisons, cet homme gêné. Et ça suffit parce qu'il y a des gens pour qui la vie d'un homme ne compte pas. Et sans être indiscret, qu'est-ce qu'il vous disait, votre père, quand vous parliez de la situation à ce moment-là, de sa situation, des manœuvres politiques, et puis de cette violence politique dont parlait Benoît Colomba tout à l'heure? En quels termes il en parlait? Quel était son état psychologique? Non, mais cet homme avait tout à fait envie de se bagarrer, parce qu'il trouvait que, il me disait toujours que les salauds ne devaient pas gagner. Donc il était très combatif, mais il savait qu'en face il y avait des gens qui n'avaient aucun scrupule. D'ailleurs, il disait à ma mère, ce sont des assassins et ils nous tueront tous. Il a essayé de nous préserver et de nous protéger. Je crois que c'est pour ça qu'il a pris des risques qui ont fait qu'il n'est pas revenu de ce rendez-vous-là. Et vous ne l'avez jamais senti suicidaire, baissant les bras, jamais ? Mais non, parce que c'était un homme qui, pour lui, le suicide, il l'avait toujours dit, c'était un échec, et c'était un homme qui avait, qui était un catholique avec une spiritualité très forte, et pour lui, c'était incompatible avec sa foi. Mais de toute façon, dans la famille, on combat. C'est une famille de résistants, et on ne laisse pas, encore une fois, les gens qui n'ont aucun scrupule gagner. Donc, ils menaient ce combat-là. Et pour vous, parmi la somme de vos doutes concernant évidemment le suicide, puisque vous pensez qu'il a été assassiné, quels sont les éléments les plus troublants ? Ben, les plus troublants, c'est que pendant 36 ans, on nous a fait des pressions physiques, morales, pour que surtout on ne porte pas plainte au départ, pour surtout qu'on ne cherche pas la vérité, pour que ma mère se remarie, que nous on pense à autre chose. Et puis aussi, effectivement, le fait qu'on ne peut pas avoir avalé tout un tube de comprimés, d'en avoir aucune trace de comprimés, d'avoir marché sur 7 mètres dans de la vase et avoir aucune trace de vase en bas du pantalon. Enfin, tout est invraisemblable. Donc maintenant, nous avons enfin un juge d'instruction qui va revoir l'ensemble du dossier et ne serait-ce que de faire une reconstitution qui n'a jamais été faite. Et là, on verra qu'on ne peut pas, en marchant sur des feuilles mortes, se faire des fractures, notamment une d'un centimètre sur l'os le plus solide du corps humain, et puis de voir toutes ces invraisemblances. Voilà. Donc il faut que la justice passe et on va tous y travailler. Merci Fabienne Boulin-Burgeat, merci de votre témoignage, au revoir. Benoît Colomba, un dernier mot, il nous reste 15 secondes. Simplement à propos des pressions qui peuvent parfois être amicales pour se remettre dans le contexte, une scène qui paraît tout droit sortie d'un polar, d'un film noir, mais qui pourtant est bien réelle, Achille Peretti, le maire de Neuilly, qui va voir Colette Boulin, la veuve du ministre, qui elle pense que son mari a été tué, elle lui propose de l'argent, vous voulez combien, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, taisez-vous, elle dit je sais tout, et à ce moment-là il dit eh bien faites sauter la République, cet entretien a été enregistré par quelqu'un, a même fait l'objet d'un reportage sur TF1 début des années 80. Donc voilà ce que c'est l'affaire Boulin. Merci Benoît Colomba, ça sera le mot de la fin, je rappelle, la BD qui sort après de ma chère pays de notre enfance chez Futuropolis. Merci Benoît Colomba, au revoir, à bientôt. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la mort de Robert Boulin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la saga des Verts. Lui, c'est du football, la S Saint-Etienne.